Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous continuons, nous sommes rendus au chapitre 16, mais n'oublions pas que nous sommes encore dans la même nuit que le chapitre 13, 14, 15, 16. C'est important de se souvenir de cela, de toujours se souvenir quand on est en train de lire le texte, mettez-les dans le contexte. Il s'adresse à des disciples qui sont troublés, qui sont tristes, sont perturbés parce que le maître vient de leur dire « Je m'en vais, vous pouvez pas venir, où est-ce que je m'en vais? Vous viendrez plus tard. » Il a dit à Pierre « Tu vas me renier, Pierre. Vous allez tous m'abandonner. » Et là, Jésus leur a parlé au chapitre 14 « Je m'en vais, mais je reviens. » Il leur dit au chapitre 15, « Demeurez en moi, et je vais demeurer en vous. » Ils allaient porter beaucoup de fruits. « On va vous haïr. » À l'amour que vous avez les uns pour les autres, on va vous haïr à cause de cela. Parce qu'on m'a haï moins. Donc, on arrive au chapitre 16, et il va revenir avec le Consolateur. Le chapitre 16 est presque totalement consacré au Consolateur que Jésus va envoyer. Donc, prions ensemble. Notre Père du ciel, merci que tu nous as parlé par le Fils. Tu nous as instruits par lui. Tu nous as conduits par lui. Tu nous as sauvés par lui. Toi qui es le Père, tu fais toutes choses pour glorifier ton Fils, et le Fils fait toutes choses pour te glorifier, toi. Et le Saint-Esprit, comme on va voir aujourd'hui, va venir en nous afin que nous, on puisse glorifier le Fils. Mais pour qu'on puisse le glorifier, l'Esprit va glorifier le Fils en nous. Donc, nous voulons faire partie de cette, si je peux dire, de cette équipe qui glorifie Dieu. Conduis-nous et qu'on puisse mieux te connaître et te servir. Amen. Le Consolateur. On a vu ensemble que le mot nous laisse en ambiguïté, troublé, triste, consolé. On a dit qu'il y a le mot qui est traduit ailleurs par avocat, celui qui va défendre, fortifier. Et nous allons voir ensemble quel va être le rôle du Consolateur que Jésus va envoyer. Et le rôle que le Consolateur va jouer nous dit beaucoup sur la personne de Jésus. Donc, ce Consolateur qu'on a vu qui était l'Esprit de vérité va jouer un rôle envers Jésus qui va faire que Jésus va être élevé à la divinité. C'est pas que le Saint-Esprit va le rendre divin, mais ce qu'il va faire avec lui, ce qu'il va dire de lui, va nous démontrer qu'il est un être divin qui vient de Dieu, qui retourne à Dieu et qu'il glorifie Dieu, qu'il est assis à la droite de Dieu et donc qu'il est Dieu. Nous allons lire à partir du chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous dis ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils nous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dit. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous me demande « Où vas-tu ? » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Deux choses qu'on vient de voir dans ces premiers versets-là. Premièrement, il dit, le Saint-Esprit que je vous enverrai de la part du Père, Esprit de vérité qui vient du Père, l'Esprit va rendre témoignage de moi. L'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, va rendre témoignage de Jésus. Le Père. Va envoyer le Saint-Esprit parce qu'il veut que le Saint-Esprit témoigne de son Fils, rende témoignage de lui. C'est très important ici. C'est Dieu lui-même. Il n'a jamais fait ça d'envoyer l'Esprit de vérité pour rendre témoignage de Moïse ou rendre témoignage d'un ange quelconque. Mais il envoie rendre témoignage à son Fils. À nous, premièrement. Nous, ses enfants. Il va nous rendre témoignage et quand on va avoir cru le témoignage de l'Esprit, à notre tour par après, nous allons rendre témoignage auprès des autres. Je ne sais pas ici s'il parlait seulement que des 12 ou des premiers disciples. Est-ce que c'est qu'ils vont rendre témoignage par la prédication comme dans les Actes des Apôtres et écrire au Nouveau Testament? Si c'est ça, à travers leur témoignage, on va voir au chapitre 17 que nous allons croire et nous autres aussi nous allons rendre témoignage au Fils. Donc, le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de rendre témoignage de qui est la personne de Jésus. Je vous enverrai le Saint-Esprit ou le Consolateur. Qui est-il, lui, pour envoyer Dieu, l'Esprit de Dieu, ou le Dieu, le Saint-Esprit? Un ange ne peut pas commander au Saint-Esprit. Il ne peut pas dire, Saint-Esprit, va sur la terre. Un être humain ne peut pas faire ça. Mais Jésus, étant Dieu, étant égal à Dieu le Père, égal à Dieu l'Esprit, va envoyer, comme le Père avait envoyé Jésus, Jésus maintenant envoie le Saint-Esprit, afin qu'il rende témoignage de lui. Auprès de nous, et nous auprès du monde qui nous entoure. Ça, c'est son premier rôle. Le deuxième rôle qu'on a vu, c'est au verset 4, il dit, « Je ne vous ai pas dit toutes ces choses parce que j'étais avec vous. » Mais lui va vous aider, le Saint-Esprit. Lorsque l'heure sera venue, au verset 4, vous souviendrez de ce que je vous ai déjà dit. Le Saint-Esprit va aider les disciples à se souvenir de toutes ces vérités que Jésus leur a dites pendant 3 ans. Afin que ce ne soit pas une pierre d'achoppement. Et aussitôt que l'Esprit vient à la Pentecôte et qu'il commence son œuvre de les aider à comprendre, on voit qu'ils ne sont plus gênés d'être des disciples de Jésus-Christ. Maintenant, ils comprennent, maintenant, ils expliquent aux autres pourquoi Jésus était le Fils de Dieu, pourquoi il devait ressusciter des morts, pourquoi il est le Fils de Dieu. Parce qu'il dit, si l'Esprit ne vient pas et que vous me voyez aller à la croix et mourir et souffrir et être enseveli, ça va être pour vous une occasion de chute. Mais avec l'aide de cet Esprit qui va vous aider à vous souvenir tout ce que je vous ai dit, ça va vous aider à accepter même la mort, s'il le faut, parce que vous allez comprendre et saisir les grandes vérités que je vous ai enseigné. Le rôle de l'Esprit, du Consolateur, c'est de rappeler les vérités que Jésus a dites. C'est d'aider le croyant au temps de Jésus pendant ces 3 ans-là, et le croyant qui lit maintenant les Écritures, à comprendre l'ensemble de ce qui se passe. Le lien entre les différents livres de la Bible, le lien entre les différentes vérités de la Bible. Donc, premièrement, il dit, le Saint-Esprit va rendre témoignage de moi, et deuxièmement, le Saint-Esprit va vous aider à vous souvenir, afin que ce ne soit pas, que je ne sois pas pour vous une occasion de chute. Ou que le fait d'être chassé des synagogues, le fait d'être persécuté, ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ceux qui trouvent une occasion de chute dans la persécution, c'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit en eux. Quand je parle d'une occasion de chute, c'est une occasion de rejeter le Messie, de rejeter Jésus. Je ne parle pas aussi de l'occasion, des fois, on est gêné de parler de Dieu. Mais dans l'ensemble, on va prendre position pour le Fils. C'est pour ça qu'il y en a, selon la parabole du semeur, qui vont entendre l'Évangile, et les persécutions viennent, les tribulations viennent et abandonnent. Et Jésus dit qu'ils ne sont pas des croyants. C'est pour ça que Jésus va dire un peu plus loin, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, et le contexte de cette parole, c'est la persécution. Ceux qui persévèrent dans la persécution jusqu'à la fin vont être sauvés. Parce que l'Esprit va les aider à passer au travers de ça. Ça, c'est les deux rôles du Saint-Esprit envers Jésus. On va lire un autre bout, si vous voulez bien, à partir du chapitre 16, verset 7. Cependant, je dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ça, c'est une troisième chose que l'Esprit va faire. Il dit, il est avantageux pour vous que je parte et que le Consolateur vienne. Quand est-ce qu'il va venir? Quand je vais partir et que je vais retourner auprès du Père, et là je vous l'envoie. Donc, nous savons, nous, qu'il est venu 50 jours après à la Pentecôte. Pentecôte veut dire 50 jours après la Pâque. L'Esprit Saint est descendu sur les disciples. Donc, il dit, c'est avantageux pour vous. Frères et sœurs, si l'Esprit Saint n'était pas venu, il n'y aurait aucun disciple. Aucun sauvé, aucun régénéré, aucun né de nouveau. Personne n'aurait compris. Jésus serait venu, il serait mort sur la croix, et personne n'aurait saisi sa vie, son ministère, sa raison d'être, la raison de sa mort. On n'aurait jamais compris. Si le Saint-Esprit n'était pas à l'œuvre dans le monde, Jésus serait venu pour rien, absolument pour rien. Et pour que Jésus ne soit pas venu pour rien, le Saint-Esprit va faire 3 choses. Il dit au verset 8, il va convaincre le monde en ce qui se concerne le péché. Il va convaincre le monde de la justice. Il va convaincre le monde du jugement. que ça veut dire, ça? Faut essayer de le comprendre, puis il faut bien le comprendre, parce que ça, c'est pour nous autres aussi. Parce que je crois qu'il nous a convaincus de ces trois choses-là, afin qu'on devienne des disciples. Il dit au verset 9, « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Ici, il met un article défini devant le mot « péché ». En ce qui concerne le péché. On a vu ça hier un petit peu. Il dit, si je ne serais pas venu, et si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Si je n'aurais pas fait les œuvres que j'ai faites, ils n'auraient pas de péché. Ici, le monde va convaincre, le Saint-Esprit va convaincre le monde de péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Vous vous souvenez, dans les Actes des Apôtres, quand Pierre a prêché, il leur dit, vous avez fait mourir le Fils de Dieu. Et les gens ont dit, que devons-nous faire? Repentez-vous, dit-il, et croyez en lui, et faites-vous baptiser en son nom. Il va les convaincre que c'est un péché d'avoir fait mourir le Fils de Dieu, qu'ils ont fait un péché en faisant mourir celui que Dieu a envoyé. Il leur dit, il va convaincre de la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Il dit, la justice, il va les convaincre que ce que j'ai fait était juste, était correct, était bien, parce que je m'en vais au Père. J'ai accompli la justice, j'ai satisfait la justice. Et qu'on peut devenir juste en croyant en lui. S'il n'était pas juste, s'il n'était pas vrai, s'il n'était pas un envoyé de Dieu, s'il n'était pas ce qu'il avait dit qu'il était, il n'aurait pas pu retourner auprès du Père. Le Père ne l'aurait pas accepté. Le Père ne l'aurait pas ressuscité. Paul va dire, il était déclaré fils de Dieu par la résurrection. Et troisièmement, il dit, il va convaincre le monde de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Il va convaincre le monde que ceux qui vont dans cette direction-là, que ceux qui suivent le prince de ce monde qui a voulu faire mourir Jésus à travers Judas, sont jugés et condamnés. Que ceux qui le rejettent sont condamnés. Ceux qui vont écouter ce témoignage de l'Esprit-Saint, ceux qui vont se laisser convaincre par l'Esprit-Saint de ces trois vérités-là, vont devenir, à leur tour, des témoins. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'aurait jamais ce rôle auprès de Jésus si Jésus était un imposteur, si Jésus n'était pas vrai, si Jésus n'avait pas déclaré des vérités. Si Jésus n'était pas Dieu fait chair, le Saint-Esprit n'aurait jamais fait cela. Donc, frères et sœurs, si vous croyez aujourd'hui, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes des témoins de Jésus, si nous proclamons qu'il est Dieu fait chair, si nous proclamons être nés de nouveau par sa mort et sa résurrection, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en nous et qu'il nous a convaincus et qu'il nous a fait de nous maintenant des témoins. C'est pour ça qu'il va dire dans Acte 2, « Restez à Jérusalem, attendez, l'Esprit Saint va venir sur vous et vous serez mes témoins. » Laissez-le, lui, en premier, vous convaincre. Et ensuite, ça, vous allez être convaincant. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu nous as convaincus. Je suis bien sûr et certain que si j'avais été là, j'aurais fait comme ceux qui étaient là. J'aurais pas cru, j'aurais pas compris, j'aurais pas saisi ces vérités. J'aurais pas pu devenir un témoin. C'est l'Esprit Saint qui fait comprendre C'est l'Esprit Saint qui illumine. C'est l'Esprit Saint qui fait naître de nouveau. C'est l'Esprit Saint qui régénère et qui nous rend capables de rendre gloire à Jésus et rendre gloire à celui qui a envoyé Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, d'avoir accepté de mourir et d'avoir retourné auprès du Père et de nous avoir envoyé le Saint-Esprit, ce merveilleux Consolateur qui vit en nous. Amen.